Il peut m'opérer bientôt. Il tenait la balle dans ses mâchoires et la lança sur l'herbe. La fille du roi était ravie de revoir son joli jouet. Elle ramassa la balle et s'éloigna en dansant et en chantant. Hello!